Plus fort. Je suis déjà fort. Fort. Encore. Il est à fond mon micro, c'est pas possible. Je peux pas aller plus loin, sinon ça va. fait la gueule. Thank you.